sagesse orientale. Le but est le chemin. D'abord le but et ensuite le chemin. Celui qui connaît le but peut décider. Celui qui décide trouve la tranquillité. Celui qui trouve la tranquillité est en sécurité. Celui qui est en sécurité peut réfléchir. Celui qui réfléchit peut améliorer.